إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc nous pourrons continuer plus loin, ça nous était commencé à sur la bonne croyance, et c'est un livre que n'a pas expliqué qui relève al-aqidatu sahiha wa ma yudadduha, c'est-à-dire la bonne croyance et ça qui vient en opposition avec bonne croyance, ça parmi toute l'autre croyance. Donc nous déjà guettant expliqué Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, qui était ancien mufti de l'Arabie Saoudite, lui commençait le livre, lui commençait à expliquer les 6 piliers de la foi. Hein? Le premier pilier qui consistait à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite lui expliquait la foi en les anges, la foi en les livres et la foi en les messagers. Ensuite, la parler de la foi en les jours derniers, et ensuite la parler de la foi en la prédestination, al-qada ou al-qadar. Donc, dernière fois, nous t'ai fin expliquer la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en les anges. Donc là, c'est dans le quatrième coup ennuyé, et nous pourrons commencer, inshallah, explication de la foi en les livres, dans les livres sacrés que Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé. Donc, Cheikh Lan dit, وَهَاكَذَا الْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ يَجِبُ الْإِيمَانُ إِجْمَالًا بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنزَلَ كُتُبًا عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ لِبَيَانِ حَقِّهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ الآية. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والقرآن هو أفضلها وخاتمها وهو المهيمن والمصدق لها، وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم بينهم ليحكم به بينهم وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. Donc Cheikh Nakisal dit, il dit ainsi que faut nous croire la foi livre que Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé. Hein, et ça sont bail qui est fondamental dans la foi, dans l'islam. C'est son obligation pour tout musulman pour y croire en façon qui générale et globale en Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut y croire que Allah subhanahu wa ta'ala t'est révélé en série de livres sous, et il était bas les livres à différents prophètes. Et prophètes yo et messagers yo, ils ont gagné une mission pour transmettre l'humanité aux différents peuples tout message que Allah subhanahu wa ta'ala t'est révélé sous yo. Et donc pour fondement message, la message fondamental là qui s'allie, c'est pour expliquer à l'humanité ça qui droit Allah subhanahu wa ta'ala, et pour appeler l'humanité à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'était mission fondamentale que le prophète yo t'a gagné. Et Cheikh l'a mentionné un verset, c'est le verset 25 dans sourate Al-Hadid, le fer. Hein? Et dans verset ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons certes envoyé les messagers, c'est-à-dire nous voyons messagers avec preuves claires, et nous voyons avec eux un livre et on balance, une sorte de balance pour établir la justice entre les hommes. Hein? Pour Allah subhanahu wa ta'ala établit justice là entre toute l'humanité, parmi l'humanité. Ensuite, il mentionne un autre verset, c'est verset 213 dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les hommes, l'humanité étaient formés en seule communauté à l'origine. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala t'est voyé en série de prophètes qui venaient pour annoncer la bonne nouvelle et pour avertir l'humanité contre châtiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et les révéler avec eux, on livre en toute vérité pour que l'humanité qu'a jugé par livre ça dans toute divergence, dans tout désaccord entre eux-mêmes. Donc livre ça, c'est une révélation qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de prophète yo. Allah subhanahu wa ta'ala va y prophète yo message ça et livre ça yo pour yo juger entre l'humanité et pour que yo ka établi la justice. Donc Cheikh Lani dit que, donc ça c'est de façon générale, nous pouvons, dans le principe ça, que Allah subhanahu wa ta'ala a été révélé en série de livres, et que livre et livre ça ont différents nombres de prophètes pour guider l'humanité. Maintenant, on a l'autre aspect qui est plus détaillé au sujet de livres que Allah subhanahu wa ta'ala a été révélé, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a été mentionné dans la révélation, hein, dans le Coran, il mentionne une série de noms spécifiques de différents livres que l'été révélé à différents prophètes, et il mentionnait par exemple la Torah. Et la Torah, c'est bien entendu un livre que Allah t'a révélé à Moïse. T'es qu'un Al-Injil, hein, l'évangile, qui t'est révélé à Jésus, à Isa, alayhi salam. Et t'es qu'un autre livre qui est révélé à Zabour, hein, ça nous révèle nous-mêmes, en français, nous révèle le psaume, hein, et c'est un livre qui t'est révélé à Moïse, à David. Son livre qui est révélé à David, nous révélons le Daoud en arabe. Et le Coran, c'est la dernière révélation. Hein, c'est un livre qui est révélé Al-Qur'an, le Coran. Et le livre ça est révélé au dernier prophète, au dernier messager qui est révélé Muhammad. Que la paix et le salut d'Allah soient sur tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Lan lui spécifiait, il lui dit que Coran, ces dernières révélations, hein, c'est les mêmes qui viennent sceller prophétie, qui viennent terminer prophétie, et c'est les mêmes qui pibon dans toute révélation que Allah te baille l'humanité. Et révélation Coran, c'est les mêmes qui gagne le dessus sur toute l'autre révélation qui t'est venue avant. Ça veut dire que Coran, il est venu pour confirmer l'autre révélation qui était là avant, et en même temps, il vient pour, prendre le dessus par-dessus l'autre, livio, c'est-à-dire que je dis, hein, nous pas qu'un droit ou nous pas capable suivre en l'autre révélation, parce que qu'on y a une révélation que Allah t'a baillé en dernier, c'était le Coran qui vient abroger toute l'autre révélation qui était là avant lui. Ok, parce que son livre qui vient avec en clarté et en série de lois et de clarification puis explication qui est claire, qui pas nécessité que on prend l'autre référence ou l'autre livre, donc ou la Bible ou l'autre révélation. Nous pas besoin l'autre livre ça qui était révélé avant, parce que l'autre livre ça a été révélé pour une époque spécifique et pour un lieu spécifique et pour un peuple spécifique. Tandis que le Coran lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala révélé lui, c'est pour jusqu'à la fin des temps, parce que c'était la dernière révélation. Donc ça, son bail, il faut nous comprendre très bien, c'est très important que qu'on y a, c'est le Coran qui référence là que Allah subhanahu wa ta'ala révélé nous qui ba, et que lui bail nous, et c'est lui-même seulement qui a guidé l'humanité. Et ça va venir dire que nous pas quoi dans l'autre livre. Non, nous quoi dans l'autre livre, mais nous pas référer nous à l'autre livre qui était révélé avant, parce que l'autre livre, il était changé, il était falsifié et il était abrogé de toute façon. Donc nous pas référer nous à l'autre révélation qui était révélé avant. Donc ça c'est un point important. Ensuite, Cheikh Lan qui s'est dit, il dit que le Coran c'est lui-même qui est obligatoire à toute nation pour lui suivre et pour lui juger entre eux-mêmes à partir de révélation, ça, à partir de Coran. De même que à partir de ça qui était authentique dans Sunna prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas seulement Coran pour nous suivre, bien également Sunna prophète là que nous supposons suivre. Et c'est exemple prophète là t'ébaï nous. Et explication et clarification que prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, t'ébaï nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui envoyé messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, à toute l'humanité et aux djinns. Hein. C'est pas seulement à l'humanité, à toute l'humanité que lui voyait prophète Muhammad là. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il voyait prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour toute l'humanité et pour djinnio, pour l'être humain et pour djinnio. Ok, donc même djinnio, c'est une créature que Allah t'a créée qui est invisible, donc pas qu'à mais même yo obligé de suivre l'islam et adorer Allah seul, et yo obligé tout pour yo adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour yo abandonner l'idolâtrie et le shirk et pour yo suivre le Coran et la Sunna. Kounya gen pile moun kap adore djinn en Haïti, ça nous t'a expliqué ça déjà. Moun que ça y aurait les loyaux, en réalité c'est djinn yo. OK, c'est pas ange, c'est pas être humain yo, c'est djinn, nous pas ka wè yo. Puis moun sa yo, yo supposé musulman, tout yo supposé craindre Allah subhanahu wa ta'ala, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, djinn qui pas quenant Allah subhanahu wa ta'ala et qui pas obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux-mêmes que nous relèvent diables. En français, nous relèvent diables, et c'est eux-mêmes en réalité qui, disons, nous relèvent diables en français. Et en réalité, c'est djinn, c'est pas ange. Et parmi djinn, il y a gain qui musulman, gain qui chrétien, gain qui pas quenant Dieu, gain qui fait. Qui fait bah voodoo, ils ont aidé voodoo, ils ont non bah magie ou dans l'autre cérémonie que ils fait, c'est eux même qui entraînent dans corps mounio puis ils prend contrôle corps mounio, ils relaient ça les djinn prend entraînent encore, c'est une sorte de possession ils fait. Bon, en tout cas grand pile, hein, ils entrent en transe, c'est djinn qui entraînent encore. Mais y a pas de monde voodoo, ils ont aussi y a pas doré djinn sayo qui parmi les diables en réalité. Donc même diable sayo yo connaît que yo supposé adorer Allah seul, mais y a utilisé l'être humain pour yo égarer et pour yo mener dans l'enfer. Bon, maintenant que nous comprenons ça, faut nous comprendre que donc toute l'humanité est supposée suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans exception. L'autre prophète qui était venu avant, il était venu pour un peuple bien particulier et bien spécifique. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier prophète, c'est lui-même qui vient pour toute l'humanité, pas seulement pour un peuple en particulier. C'est peut-être ça, nous pas supposé écouter ça, certains mounabdi, parce que nous tendez ça déjà qu'un haïtien qui commence à venir en Haïti pour yo yo dit que yo musulman y a prêché l'islam puis yo commence à inventer on bail que pour yo dit que chaque peuple gain propre islam yo chaque peuple gain propre interprétation islam là pour yo interpréter en accord selon culture pour yo commencer changer religion yo besoin faire un islam haïtien yo besoin faire un islam particulier pour haïtien puis yo permet nan sa yo di yo commencer essayer permettre ça Allah t'a interdit et sa prophète l'a interdit et puis yo commencer essayer de interdire bay que Allah t'a permis nan Coran et nan Sunna et yo essayer faire quoi yo essayer faire moun yo quoi que ya yo c'est son on bay culture arabe que l'islam nan yé mais ça c'est un bay qui faux parce que l'islam ne c'est pas une culture arabe liée, c'est une religion Allah subhanahu wa ta'ala liée. Et même prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un arabe liée. Et il est venu à un peuple arabe au début pour lui relayer à l'islam, et même propre peuple lui a rejeté. Et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a rejeté en pile dans le bail que l'arabe t'a qu'on fait, il rejeté, il critiqué, il condamné. Et grand pile bagaille que prophète l'a mené arabe yoté contre lui parce que yo dit que bah ça c'est contre culture arabe là. Donc c'est pas en question de culture arabe, grand pile bagaille que arabe yo t'es qu'on fait l'islam n'a vienne interdit. T'es grand pile bagaille que l'islam mené arabe yo pas de vle li parce que il était en désaccord avec culture. Donc l'islam c'est une religion qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un bail culturel. Lié. Et c'est pas chaque peuple qui est musulman qui est supposé adapter l'islam à propre passion yo que y a suivre dans différentes cultures gain. Parce que ça son idée on idée d'égarement en réalité. Son façon yo utiliser pour yo dévier musulman. Et puis donc gampil bah nous ka dit sous point ça mais bon, on a présumé, on a fait une explication juste pour nous faire connaître que, qu'il y a des gens qui ont une idée de ça, puis idée ça sont une idée qui est incorrecte, qui est contraire à l'islam. Maintenant, l'islam, c'est pas une religion juste pour arabes, c'est une religion pour tout peuple, pour toute origine, pour toute nationalité, pour toute couleur. Même les nous tourner à Jésus, par exemple, les haïtiens, les yo parler, les haïtiens qui chrétiens, ils disent, ah non, nous pas qu'à venir musulmans, musulmans c'est religion arabe, nous pas voulons religion ça. Mais les, si yo t'es qu'on utiliser intelligence, yo t'as qu'à comprendre que même religion que y a suivre, qui aurait le christianisme, eh ben, même religion ça, c'est pas une religion qui sort d'Haïti, c'est pas haïtien qui mène l'île. Hein, on connaît que, bon, t'es grand pile bagaille, moun t'es changé dans le message de Jésus, hein, c'est pas moun, religion que moun a suivi aujourd'hui, hein, que y'aurait les christianistes. C'est pas vrai message que Jésus t'a mené, hein, parce que y'a changé en pile bagaille là-dedans, et y'a déformé lui, y'a commencé à adorer Jésus, adorer Marie, adorer Saint, adorer Croix, adorer toutes sortes de bagailles, ça y'a. Peu importe que peu importe. Si vous êtes catholique ou bien protestant ou bien l'autre secte, y a absurde, c'est tout le même bagaille, la Trinité, hein, son bagaille qui n'a pas rien à voir avec le message Jésus. Hein, Jésus pas prêché par ça. Bon. Mais, le bagaille qui est important, c'est que Jésus, c'est pas un haïtien, et il était fait au Moyen-Orient, son prophète qui était venu parmi les Juifs. Hein, fils d'Israël, yo. Et donc, il était une culture qui était très proche avec la culture arabe, yo. Donc, si nous dit que nous pas qu'à accepter l'islam parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, son prophète arabe, et que il était venu parmi arabes au début pour lui prêcher l'islam, mais pour qui ça nous-mêmes n'a pas accepté Jésus alors que son prophète qui était, parmi le peuple d'Israël, hein, de fils d'Israël, et que il était venu pour le peuple d'Israël, et nous-mêmes, malgré ça, nous suivons quand même. Malgré qu'il était dans l'autre culture, dans l'autre langue, hein, et qu'il était sorti, il était venu pour l'autre peuple. Donc, c'est une contradiction que Mounsayos argument ça. C'est pas un argument qui est valable. C'est pas parce qu'un prophète vient dans l'autre peuple que nous pas qu'à suivre si c'est la vérité que l'y mener. Donc la vérité nous suppose accepter lui, peu importe de qui côté elle vient. Même si prophète là c'est un chinois le payé, et que le t'est venu avec vérité à, nous t'a obligé de suivre lui, parce que son chinois, pas parce que son chinois, mais parce que c'est la vérité qu'elle a enseigné, et que lui t'est venu avec la vérité. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi que le prophète là sorti dans le peuple arabe. Et donc, étant donné que c'est ça Allah t'a choisi, nous obligés de suivre lui. C'est pas en question de nationalité ou de, couleur ou de langue ou de race, en question. Est-ce que c'est la vérité, oui ou non? Et pas de doute que c'est la vérité, puisque Allah subhanahu wa ta'ala t'a toujours voyé tout prophète, même avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il t'a voyé tout prophète avec le même message, c'est-à-dire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Bon. Donc, ensuite, Cheikh l'a expliqué, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala t'a voyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un prophète pour toute l'humanité et pour toute djinnio. Et il révélait le Coran à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les juger entre êtres humains. Et il fait de révélation, on remède avec lui. C'est-à-dire son remède lié. On remède pour les cœurs. Hein. Donc, Coran, on remède là-dedans pour que mon yo. Là, on a un problème dans le cœur, dans la foi, on a un doute, ou il y a un problème dans la foi ou dans le cœur. Il y a juste le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la réponse, il clarifie la vérité, il clarifie toute bagaille, et son guidance liée, et son miséricorde liée pour les croyants. Donc, tout le monde qui croit en Dieu réellement, là, il y a le Coran, il pourra le trouver, il pourra le joindre la vérité et la guidance là-dedans. Maintenant, Cheikh Lan l'a mentionné en verset dans Surat Al-An'am, les bestiaux, le verset 155, il dit « وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال سبحانه وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله والنبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون والآيات في هذا المعنى كثيرة وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم. Donc qui ça Cheikh l'a expliqué, il mentionne une série de versets là et il mentionnait par exemple le verset 89 dans sourate An-Nahl, les abeilles, il dit dans Allah dit dans verset ça et c'est comme ça que nous t'est révélé Allah subhanahu wa ta'ala dit nous t'est révélé sous l'ivna comme en clarification, c'est-à-dire sous prophète là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a adressé directement à prophète Léon, il dit, et c'est comme ça que nous révéler sous l'Ivlan comme en clarification de toute chose et en guidance et en miséricorde et en bonne nouvelle pour les musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont soumis. Parce que l'islam c'est la soumission. Donc les muslimines c'est moun qui t'est soumis. Koyo amyo à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Landi wa qala ta'ala qul ya ayyuha an-nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala li bay prophète là en ordre pour li dimunyo pour dire toute l'humanité oh vous les hommes c'est moi-même qui messager d'Allah pour nous toutes. Et il dit celui qui t'a créé ciel et avec terre. Et c'est-à-dire que Dieu qui voyait menacer, Dieu qui crée tous les cieux et la terre. C'est créateur les cieux et la terre. La ilaha illahu, pas rien qui méritait pour nous adorer lui, excepté lui-même. C'est lui-même qui baille la vie et qui baille la mort. Donc, faut nous croire dans Allah et dans le messager lui, prophète là qui était illettré, il n'y a pas de connu lire, il n'y a pas de connu écrit tout, et qui croit dans Allah, et qui croit dans la parole, et suivent lui pour nous qu'à guider, pour nous qu'à bien guider. Donc, ça c'est verset 1 que Allah t'a, que Cheikh l'a mentionné, c'est le verset 158 dans Surat Al-A'raf. Et ensuite, Cheikh l'a dit, il y a un pile verset qui a la même signification, ça, qui a la même signification avec verset ça dans le Coran. Il y a un pile qui clarifiait la foi en Livio et la foi en Prophétio. Donc, c'est ça que Cheikh l'a commencé à expliquer qu'on y a la foi en les prophètes. Il dit, وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق فمن أجابهم فاز بالسعادة ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومن سمى الله منهم وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم صلى الله عليه صلى الله وسلم عليهم وعلى آلهم وأتباعهم. Donc Cheikh Lakizal dit ici, il expliquait que de même que nous supposer ou nous obliger qu'on a prophète yo d'une façon qui générale et globale et d'une façon qui détaille tout. Donc nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala envoyait un serviteur yo en série de messagers pour les avertir yo et pour les bayo en bonne nouvelle et pour les et pour yo relayer l'humanité à la vérité. Donc quiconque parmi l'être humain yo répondre à appel prophète yo, les être humain accepter message prophète yo, eh ben il pral gain succès, il pral gain le bonheur, c'est-à-dire dans cette vie et dans l'autre, c'est-à-dire pour entrer dans le paradis. Si yo répondre et yo accepter message prophète yo et yo croit dans message prophète yo. Mais quiconque contredit prophète yo et refuser obéi message prophète suivre message prophète yo, yo pral gain en conclusion qui mauvaise, parce que yo pral malheureux dans la vie ça et dans l'au-delà, yo pral gain en châtiment de l'enfer. Donc yo pral gain remords et yo pral gain déception. Et dernier prophète là, et meilleur prophète là, c'est prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Muhammad, le fils de Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, c'est ça Allah t'a dit dans Surat al-Nahl, le verset 36, il dit, et nous avons suscité, c'est nous-mêmes qui voyons dans toute nation, dans tout peuple, un messager, pour lui dire, Mounio, adorez Allah, et écartez-vous de At-Tahout. Et At-Tahout, c'est tout ça que Moun adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit idole, que ce soit statue, que ce soit image, que ce soit prophète, que ce soit en animal, que ce soit en loi, que ce soit en esprit, que ce soit n'importe qui paye en être humain adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou car il est le Tahout. Ou car il est le Tahout. Et tout prophète yo vient relier l'humanité pour yo dire adorez Allah seul et écartez-vous du tarout. Et ensuite, Cheikh l'a mentionné un autre verset, qui c'est le verset 165 dans Surat An-Nisa. Les femmes, Surat les femmes. Qui ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ça, il dit que vous voyez messager comme annonciateur et avertisseur pour que l'humanité pas gain argument devant Allah subhanahu wa ta'ala après prophète yo que après messager yo. C'est-à-dire pour que l'humanité pas gain ont excuse ou ont argument devant Allah subhanahu wa ta'ala après que Allah t'ait voyé messager yo. C'est-à-dire être humain yo pas qu'a dit non nous pas te connaît, nous pas te connaît message là parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ait averti l'humanité, il t'ait voyé messager à tout peuple pour yo connaître la vérité. Donc ça c'est en l'autre verset, puis il mentionne en l'autre verset tout, c'est le verset 40 dans Surat Al-Ahzab, les coalisés. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Muhammad, hein, Muhammad, pas papa, aucune nan homme nouyo, nan homme nouyo, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait que le prophète là pas de bien petit parmi les pas de bien garçon. L'el mouri, prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, il pas quitté aucune garçon. Et ensuite, il dit, walakin Rasulullah, mais c'est messager Allah lié et dernier parmi prophètes. C'est lui-même qui vient pour lui sceller prophétie. Donc, c'est lui-même qui est dernier prophète là. Et, Cheikh Lan dit ensuite que, bien, on sait de prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala t'a confirmé que ces prophètes yoye, et lui mentionner non yo, et lui clarifier non yo, et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam clarifier non yo tout. Toutefois, il y a l'autre messager que Allah t'a voyé, que il n'est pas spécifié dans la révélation. Maintenant, si nous regardons dans le Coran, il y a environ 25 noms de prophètes qui mentionnaient. Non, ça, un prophète, ça, nous sommes supposés quoi dans yo, de façon spécifique, parce que Allah t'a mentionné dans yo. Toutefois, il y a l'autre prophète, Allah t'a dit que il t'a voyé, mais il n'est pas mentionné dans yo. Donc, il faut nous croire dans l'autre prophète, yo, d'une façon générale, parce que nous pas qu'on détail sous vie. Donc, Cheikh Lan dit que prophète que Allah t'a mentionné dans la révélation, lien nous supposait croire dans yo avec non yo, d'une façon qui plus spécifique, hein, parce que Allah t'a désigné yo en personne, d'un coup Noé, hein, Nuh, Hud, Saleh. Ça c'est le prophète que Allah t'a mentionné dans le Coran, et Ibrahim, Abraham, David, et il y a l'autre prophète tout, que Cheikh l'a pas mentionné tout, mais c'est juste pour lui donner un exemple, Jésus, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et tout l'autre prophète, et lui voyait paix et salut sous tout messager, ainsi que sur apôtre et monde qui te suivi jusqu'au jugement dernier. Ensuite, Cheikh l'a dit, la parler de la foi en le jour dernier. La foi en le jour dernier sont l'autre aspect parmi piliers de la foi que tout musulman est supposé reconnaître et accepter et pour y croire dans pilier ça parce que son pilier qui est très important. Ok. Et pilier ça qui s'allie c'est la foi en le jour dernier. Cheikh Lundi, Amma l'Iman bil yawm l'akhir. فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Cheikh Lan dit que faut nous croire en Allah subhanahu wa ta'ala, faut nous croire en le jour dernier, le jour dernier, et yani, qui ça qui est entré dans le principe ça ou dans l'article de la foi, parmi l'article de la foi le jour dernier, faut nous croire en tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala t'a informé nous, ainsi que le prophète là. C'est-à-dire que le prophète là t'a informé nous de certains détails, et Allah subhanahu wa ta'ala a informé nous de certaines bagailles qui pourraient arriver dans l'au-delà, c'est-à-dire après la mort. Et parmi bagailles ça, eh bien, lui mentionner par exemple ça qui a privé après la mort, par exemple le test de la tombe, l'épreuve de la tombe, et le châtiment et les délices de la tombe, parce que quelqu'un ont questionnement dans la tombe et quelqu'un ont délices ou ont châtiment dans la tombe, et ça qui pourra le gagner au jour de la résurrection, toute humanité en pourra le ressusciter, et puis on pourra cramper devant Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah juger entre chaque être humain. Et ensuite, tout ça qui vient au jour de la résurrection, parmi les épreuves et les difficultés, on conquérir les as-sirat, que Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre au-dessus de l'enfer, et que tout être humain va le traverser pour ça. Gain qui pourra le tomber en bas, gain qui pourra le traverser rapidement, gain qui pourra le traverser lentement, selon le niveau foyer. Ensuite, gain l'autre épreuve qui est al-mizan, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra l'établir en balance, et puis il pourra peser action tout le monde qui t'a fait le bien ou le mal, puis Allah subhanahu wa ta'ala pourra mettre bon action yo d'un côté et mauvais action yo dans l'autre côté, et puis si bon action yo pilou, mais ça veut dire que moun sa yo pral entrer dans le paradis. Et pral gen un jugement également, et on récompense. Et pral tout moun, chaque être humain, pral gen un livre que Allah subhanahu wa ta'ala pral remettre li. Et dans livre ça, gen toute action et parole que un être humain t'a fait durant vie li. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala pral remettre li. Pour le remettre chaque être humain en livre. Donc, Allah pral bayo livio nan main droite yo. Les moun qui te fait le bien, yo pral gen livio nan, yo pral recevoir livio nan main droite yo. Moun qui te fait le mal, yo pral recevoir livio nan main gauche yo, ou bien par derrière do yo. Yo pral bayo nan do. Et li mentionne gen l'autre bagaille tout qui faut nous croire en ce qui concerne la foi au jour dernier, c'est que faut nous croire que gain un bassin ou une sorte de bassin qui pral gain un bassin pour chaque grand prophète yo, et dans bassin ça qu'on liquide que ou qu'on breuvage que croyant pral boire, et prophète là t'a mentionné que bassin ça les couleurs sont couleur blanc lié, et les gonds ont goût tant que le miel, et les mentionner que tout le monde qui prend le bois dans bassin ça, qui prend le bois dans breuvage ça, il n'a pas jamais de soif encore. Et les mentionner l'autre bagaille tout, bon, il y a l'autre détail. Ensuite, faut nous croire également que gain au paradis éternel et gain en enfer éternel tout. Et faut nous croire que nous croyons yo pral wè Allah subhanahu wa ta'ala, yo pral wè li avec Dieu, hein, et faut yo croire que yo pral parler le tout, yo pral parler avec le tout. Et que non, que Allah subhanahu wa ta'ala pral parler avec yo. Hein. Yo pral Allah pral adresser yo. Ensuite, faut nous croire dans tout ça, l'autre bagaille, faut nous croire dans tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit nous dans le Coran, de même que dans le Sunnah qui est authentique, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça qui est écrit dans le Coran, et dans le Sunnah authentique, là, faut nous croire dans lui. Au sujet du jour dernier, et de la foi, de ça qui peut arriver après la mort. Et il dit tout que c'est obligatoire pour nous croire dans tout ça qui t'est révélé, yani, à ce sujet, yani, de façon que Allah et le messager t'aient expliqué. Donc ça c'est au sujet de la foi en le jour dernier. Qu'on y a l'autre principe qui est relé al-qada ou al-qadar, ça c'est l'autre pilier de la foi. Et c'est le dernier pilier de la foi, c'est le sixième. C'est son pilier qui est très important. Et nous allons lire ça chaque lundi à ce sujet, inshallah. يزي أما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة أولها أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون وعلم أحوال عباده وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى كما قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Donc nous allons commencer par l'explication de point Sayo et après nous allons continuer la suite de l'explication. Cheikh l'a dit, en ce qui concerne la foi en la prédestination, Al-Qadar, donc il consistait à quatre principes ou à quatre bases parmi les principes de la foi en la prédestination. Il y a quatre règles ou quatre conditions pour nous respecter par rapport à Al-Qadar. Première, bon, nous quatre, on te résume en premier, gain quatre. Première, c'est la connaissance. Deuxième, c'est que Allah t'a tout écrit toute bagaille. Troisième, c'est que tout sacrifice, c'est Allah qui voulait, pas rien qui sortit dans la volonté, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrième bagaille, c'est que Allah t'a créé toute bagaille, pas rien qui sortit dans. Pas rien que c'est pas Allah qui crée, Allah t'a créé toute bagaille. Donc ça c'est quatre principes. Maintenant, Cheikh a expliqué et là bas quelques exemples de chaque condition. Première condition, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a connu toute bagaille, ça qui arrivait et ça qui pourrait arriver dans l'avenir et ça qui arrivait avant. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le passé, l'avenir, le futur, le présent, il connaît toute bagaille. Et l'icône état serviteur et être humain, l'icône toute bagaille. L'icône, l'été connaît déjà qui ça, y'a pas le gain, chacun en y'a, qui ça y'a pas le recevoir comme subsistance, qui ça, combien de temps y'a pas le vivre, chacun en y'a, qui l'a mouru, Allah te connaît ça déjà, et Allah connaît qui ça y'a pas le faire comme action, est-ce que y'a pas le faire le bien ou le mal, Allah te connaît toute bagaille déjà. Et, l'icône toute affaire. Pas rien qui cachait de Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui arrivait. Tout ça qui arrivait, tout ça qui est arrivé, tout ça qui est arrivé, tout ça qui pourrait arriver après, Allah te connaît lui et pas rien qui cachait de lui-même au sujet de bagaille. Ensuite, Cheikh l'a mentionné quelques preuves à ce sujet-là. Le verset 115 dans Surat At-Tawba. Cheikh l'a dit, Inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah, il connaît toute bagaille, il gagne en connaissance de toute bagaille. Et il mentionne l'autre verset qui dit, c'est le verset 12 dans Surat At-Talaq, c'est-à-dire le divorce. Il dit, pour que nous connaissions que Allah subhanahu wa ta'ala gagne un pouvoir sur toute bagaille et que l'y envelopper toute bagaille avec science-li. c'est-à-dire les consciences de toutes choses. Ensuite, il mentionne le deuxième principe, la deuxième condition, hein, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'ait écrit tout ça qui t'est pour arriver dans l'avenir. Et tout ça qui arrive, tout ça qui t'est arrivé, tout ça qui pourra arriver, Allah subhanahu wa ta'ala t'ait écrit. Hein. Et il mentionne ça dans une série de versets, il mentionne verset 4 dans surat al-Talaq. Est-ce que c'est 4 dans surat al-Talaq? Non, c'est, en fait, c'est dans surat al-Qaf. Verset 4 dans surat Qaf. Naam. Dans surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous connaît tout ça, terre à manger dans le coyo. C'est-à-dire, une fois que vous mourrez, la terre après le manger où? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout ça, la terre a été mangée de corps. Et nous gagnons un livre qui préservait toute information. Donc c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, que tout bail écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne en l'autre exemple, c'est le verset 12 dans surat Yassin. 12 dans surat Yassin, Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous écrit et nous préserver toute bagaille dans un guide clair, dans un livre clair. Ensuite, il mentionne l'autre verset qui, verset 70, dans surat Al-Hajj. Dans surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce que nous pas connaît que Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout ça qui est dans les cieux et sur la terre, hein, et que tout ça écrit dans, lui écrit tout ça dans un livre, hein, tout bah, ça écrit dans un livre, et que ça allait facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est explication que l'ibaï au sujet de deux premières conditions. Yo. Ensuite, il y a deux autres conditions, yo, hein, 3 et 4. Il dit: al-amru thalith al-imanu bimashi'ati al-nafidha fama sha'a kan wama lam yasha lam yakun kama qala subhanahu inna Allah yaf'alu ma yasha' wa qala 'azza wa jal inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa qala subhanahu wama tasha'una illa an yasha' Allah rabbul 'alamin. Ça c'est le verset 29 dans sourate At-Takwir. Nous pourrons l'expliquer là, après nous pourrons lire l'autre là, puis après ça nous pourrons l'expliquer deux derniers. والأمر الرابع خلقه سبحانه لجميع الموجودات لا خالق غيره لا خالق غيره ولا رب سواه لا خالق غيره ولا رب سواه كما قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لمسنا الدرس وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكر ذلك لمن أنكر بعد ذلك بعض ذلك من أهل البدع. Donc qui sa explication Cheikh là les deux dernières conditions, c'est la condition numéro 3, c'est la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala qui est effective, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ça Allah t'a voulu l'exister, et ça Allah pas voulu n'est pas existé. Donc si on va pas exister, c'est parce que Allah pas voulu, et si on va exister ou si on va qui arriver, c'est parce que Allah t'a voulu bagaille ça exister ou arriver. Donc faut nous croire dans ça, son principe très important, pas grand rien qui a contredit volonté Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Donc il mentionne premièrement le verset 18, hein, le verset 18 dans surat al-Hajj, inna Allah yaf'alu ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala li fait ça li vle. Et il mentionne en l'autre verset, le verset 82 dans surat Yassin, et verset 1 il dit: inna ma amruhu idha arada shay'an أن يقول له كن فيكون. لي الله سبحانه وتعالى فلي أن بغاي لي جوز ديل سوا إي إلي لي جوز باي لي أن لورد pour lui exister et lui exister. Et l'autre verset que lui mentionnait, c'est le verset 29 dans Surat al-Takwir. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et nous pas qu'à vouloir excepté si Allah voulait, le Seigneur des mondes, le Maître des mondes, hein, le Maître de l'univers. Donc, volontez-nous limité par volonté Allah subhanahu wa ta'ala. Pas qu'à faire un bagage excepté si Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Et nous pas qu'à voulait un bagage excepté si Allah voulait lui. Donc ça c'est explication à ce sujet. Ensuite il mentionne le quatrième point, hein, c'est que Allah t'a créé toute bagage. Tout ça qui existait, c'est Allah qui créé. Que ce soit bien ou que ce soit mal, c'est Allah qui créé. Il crée tout ça qui existait, pas rien qui créé par l'autre monde. Ou pas grand l'autre, bah, l'autre chose qui t'a créé par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a créé tout ça qui existait. Pas grand l'autre créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le quatrième principe là. Et il est mentionné en série de versets qui montraient principe ça ou condition ça. Le verset 62, ok, dans Surat Az-Zumar, les groupes. Verset ça dit que Allah crée toute bagaille, c'est Allah qui crée toute bagaille et lui gain au pouvoir, c'est lui-même qui responsable de sur toute chose. Donc, toute chose c'est Allah qui est responsable de lui et qui a occupé, hein, c'est lui-même qui a occupé de tout ça qui existait. Et gain en l'autre verset, c'est le verset 3 dans Surat Fatir, créateur, le créateur. Dans le verset ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous les hommes, rappelez-nous de Allah subhanahu wa ta'ala, ou faut-nous rappelez-nous de grâce de Allah subhanahu wa ta'ala que lui mettez sous nous. Est-ce que y a l'autre créateur en dehors d'Allah qui baille nous subsistance nous à partir des cieux et de la terre? Il n'y a rien ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Hein? Comment pouvez-vous vous détourner? Hein, qui vient nous qu'à détourner nous de vérité ça. Ça c'est en verset, le verset 3 dans Surat Fatir. Cheikh l'a dit ensuite. Donc la foi, hein, la prédestination, al-qadar, l'y comprendre, la foi en quatre conditions ça y est, quatre principes ça y est, selon les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, par opposition aux gens de Bid'ah qui niaient certains d'un principe ça y est. Donc si nous besoin connaissons foi nous un foi nous gain en al-qadar al-qadar, si nous besoin connaissons foi ça en accord avec les principes de l'islam, faut nous réunir quatre conditions ça yo. Si nous manquer une, nous qu'a dit que foi nous dans al-qadar al-qadar, nous gon gros problème, ni incorrect ni incomplet. Faut nous gain quatre principes ça yo pour foi nous un accepté et valable. Ensuite, Cheikh l'a dit, ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Cheikh l'a dit que la foi, il dit que également la foi, faut nous comprendre que la foi sont croyances. Hein? Faut nous croire que nous dit que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala. Faut nous comprendre qui ça le signifie selon l'islam. La foi, selon l'islam, c'est pas seulement on bagaille avec la bouche ou on bagaille qui n'a en cœur, hein, qui n'a en cœur nous. C'est on bagaille qui comprend en série de dimension, dans le sens que la foi les comprend la croyance et les actions et les paroles. Hein? La foi, ça comprend les comprend croyance que nous gagnons que nous, parole que nous dit et action que nous fait. Et foi noire, c'est pas un bagage qui stable, c'est un bagage qui augmenté plus que nous obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Foi nous a augmenté et plus que nous désobéit et nous fait pécher, ben foi nous a descendu, a diminué. Hein? Donc ça c'est un principe fondamental dans croyance l'islam, dans croyance au sujet de la foi. Et ensuite Cheikh l'a dit que nous pas qu'un droit pour nous déclarer que on monde kafir ou on monde pas musulman. Except, nous pas qu'un droit dit que on monde kafir ou qu'on monde pas musulman ou qu'on monde sorti de l'islam parce que lui qu'on fait péché. Donc si on monde musulman, nous pas qu'un droit dit que lui sorti de l'islam ou que lui pas musulman ou que lui kafir parce que nous elle fait un péché. Tant que lui pas fait shirk, lui pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, tant que lui pas fait kufr, nous pas qu'un droit dit que li sorti de l'islam. Si nous est que li fait un bagay qui shirk ou kouf, là c'est en l'autre situation. Mais si nous elle la fait un péché, une chose qui haram, nous pas le droit de dire que li pas musulman ou que li sorti de l'islam. C'est toujours un musulman lié. Donc si on voit un monde qui a fait adultère, qui a fait fornication, ça veut pas dire que li quitte l'islam. C'est un musulman lié quand même. Mais sauf que les confois faibles, hein. Et si vous voyez un monde qui volait, ou qui a mangé riba, dans intérêt, dans prêt avec intérêt, ou qu'un monde qui a bu l'alcool, ou un monde qui a désobéi par un yo, un monde qui a désobéi par un, nous pas qu'à dire qu'il n'est pas musulman à cause de ça. Parce que ça, c'est grand péché, très grave, mais tant que un monde pas déclaré péché ça yo, permis, hein, tant qu'on dit oui, ça c'est haram, bah, ça y est haram, mais, lui fait pécher ça y est à cause de faiblesse dans la foi, une faiblesse que le gain dans la foi, lui, il n'y a pas de droit de dire que lui sorti de l'islam. Et Cheikh l'a dit, excepté si lui essayait de rendre bagay ça y est halal, c'est-à-dire, lui essayait de rendre bagay permis, comme lui essayait de dire que oui, l'alcool permis, ou bien oui, la fornication ou l'adultère c'est permis. Si on nous a dit ça, l'a contredit Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça son bail qui fait sortir de la foi parce que l'igné ça Allah a affirmé. Donc ça son question de kofo. Et un verset qui est très important pour nous comprendre, c'est le verset 48 dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ça, dans le verset les femmes, dans la sourate les femmes, pardon, le verset 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pardonné au monde qui fait shirk avec lui, hein, qui a pas associé avec lui dans l'adoration, mais il a pardonné n'importe quel autre péché à qui est-ce livré. Donc selon l'autre péché, hein, qu'on monde fait, qui pas shirk, qui pas kouf, eh ben, nous pas qu'à dire que moun ça sorti de, dans la foi, hein, ou que lui pas arrêté en enfer pour l'éternité, hein. Parce que, seul moun qui pas arrêté en enfer pour l'éternité, c'est moun qui fait shirk, ou moun qui fait kouf, mais moun qui pas fait ça, qui seulement fait un grand péché, moun ça yo, nous pas qu'à dire que yo, mécréants, parce que Allah a pardonné aussi s'il vous plaît, hein? Il y a volonté Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah voulait il a pardonné, il fait entrer dans le paradis parce qu'il n'a pas fait shirk, il n'a pas fait kufr, mais Allah subhanahu wa ta'ala s'il voulait il doit punir tout par justice, hein, parce que son Dieu est juste lié, donc s'il méritait en punition, faut Allah subhanahu wa ta'ala gain doit punir, c'est-à-dire il gain doit faire rentrer dans l'enfer, même s'il n'a pas de fait shirk ou kufr, sauf que étant donné que il gain péché, faut Allah subhanahu wa ta'ala punir, donc s'il voulait les punir, et ils n'ont pas prêté éternellement en enfer parce que ils ont gagné la base de la foi, ils n'ont pas fait shirk, ils n'ont pas fait kufr. Donc, ils ont prêté un certain temps en enfer, mais après ça, ils n'ont pas le sorti parce que c'est croyant, oui, ils n'ont pas mécréant. Donc ça, c'est un principe très important parmi les principes de la foi dans Ahl Sunnah wal Jama'a. Et, Inch'Allah, on va continuer, quoi, semaine prochainement, Inch'Allah. Nous allons continuer à expliquer la suite dans le principe, foi islamique, non, Inch'Allah. Mais, là, pour l'instant, on a prêté là, Kounia, Inch'Allah. Et puis, on espère que, Kouyo clair, puis que nous allons comprendre bien, ça, on a expliqué, parce que, des fois, il n'est pas très facile. Mais bon, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'aider nous. طيب جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك